Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Vous êtes fou, mon petit. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini et au-delà. Mathilde Serrel. Atterrissage réussi en 1964. Est-ce que je fais le plat pour madame Geneviève? Oui, le plein. Super ou ordinaire? Peu importe. Pourquoi les gens passeraient une heure et demie à écouter des personnages chanter des platitudes? La question a repoussé nombre de producteurs, paraît-il, mais en ce mois de février 1964, les Parapluies de Cherbourg viennent de sortir et les critiques pleuvent. Ce film, Les Parapluies de Cherbourg, fait couler bien des larmes. Il risque également peut-être de brouiller les meilleurs amis. En effet, il semble qu'il soit aussi de bon ton de pleurer à cet épouvantable roman feuilleton. On a raconté l'histoire la plus niaise qu'on puisse imaginer. Mais je n'arrive pas à comprendre comment, en ajoutant un roman feuilleton avec une musique qui ressemble à de la confiture, on fait de l'avant-garde. Non. Pourquoi nécessairement de l'avant-garde? Sans doute parce que le réalisateur Jacques Demy et son compositeur Michel Legrand sont connus pour faire partie de cette bande de jeunes turcs de la nouvelle vague. C'est moi, c'est Lola. Sur les parapluies, toute la composition a été conçue avant le tournage. Ah mon Dieu! Geneviève! Nous sommes perdus! Toujours les grands mots. 80 000 francs à payer avant le 15, tu trouves ça drôle? Et si tu ne paies pas, on nous saisira. Je travaillerai. Quel genre de travail? N'importe quoi. Un film chanté de bout en bout, qui ne soit ni du musical façon West Side Story, ni un opéra, c'est étrange. Pas de séquences chorégraphiées, pas de profondeur psychologique digne de Verdi, mais des petites histoires banales qui en plus finissent mal. Et ce Michel Legrand, qui est-il exactement? Un compositeur savant, formé au classique par Nadia Boulanger comme Astor Piazzolla et Philippe Glass, ou plutôt un arrangeur de jazz? On sait qu'il a repris des standards avec des pointures comme Miles Davis et certains l'appellent déjà le Quincy Jones français. Pourtant, il ne semble pas pris au sérieux. On me dit que c'est un opéra, ce que je conteste, et en plus, il n'y a même pas une seule mélodie dans cette musique. Michel Legrand est un très bon arrangeur de musique. Là, il n'y a pas de mélodie. Personnellement, et c'est mon goût, je dénie à Michel Legrand l'appellation de musicien. Au fond, ce Michel Legrand, comme ce Jacques Demy, sont prisonniers de ce que l'on attend d'eux, ou des cases dans lesquelles on voudrait les ranger, entre Nouvelle Vague et Jazz branché. Quoi qu'il en soit, cette vulgaire romance de dimanche après-midi, pour public non sophistiqué, si je résume les critiques, a l'air de les desservir. De quoi ça parle au juste? C'est une histoire très simple, je crois, volontairement simple, c'est une romance. C'est la romance la plus classique. Une jeune fille rencontre un garçon, ce garçon lui plaît, la mère lui dit « fais attention ». Le garçon lui plaît beaucoup, il va partir pour le service militaire. Elle ne fait pas attention à ce que lui a dit sa mère, marchande de parapluies, ce qui explique le titre. Il s'en va et quelque temps après, la jeune fille éprouve un certain nombre de petits malaises. Ah oui, encore une pauvre fille qui n'a pas fait attention. Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. Ce que l'on peut dire, plus d'un demi-siècle plus tard, c'est que les parapluies de Cherbourg ne rentraient dans aucune case, précisément parce qu'ils les détruisent à toutes. Soudain, les étiquettes de genre et les hiérarchies artistiques s'effacent, cinéma d'auteur et cinéma grand public se tiennent la main. D'ailleurs, le film fait plus d'un million d'entrées et remporte la Palme d'Or l'année de sa sortie. À Cannes, les jeux sont faits maintenant pour le festival. Et il est bon de noter que dans cette compétition internationale, la France a remporté le Grand Prix Les Parapluies de Cherbourg. Stéphane Le Rouge, biographe de Michel Legrand. C'est déjà un film extraterrestre, c'est un film soucoupe volante qui ne ressemblait absolument évidemment à rien de ce qu'on pouvait voir à l'époque. Godard avait fait cette tentative de comédie musicale, Une femme est une femme, mais Les parapluies était un film qui, pour beaucoup de gens, était une sorte un peu de séisme à l'époque. Et je pense que plus le temps a passé, plus on a mesuré l'originalité du film. Et ce sont, je pense, deux artistes savants d'expression populaire. C'est que Demy fait vraiment un cinéma à la première personne, mais il tient quand même à tendre une main au spectateur. C'est un cinéma finalement de recherche, lisible. Et Legrand, pareil, est un compositeur savant d'expression populaire. C'est quelqu'un qui a une grande radicalité d'écriture, mais qui tient toujours, il a toujours été accroché à la ligne mélodique, à la pensée mélodique. Et tout ce qui se passe sous ces lignes de chant est très très complexe dans l'harmonie, le contrepoint, et c'est une très grande subtilité, mais ça reste comme accrocheur immédiatement pour l'oreille. Voilà, il faut jouer comme ça, hein. Promis, promis juré. C'est donc cette ambition totale que Demy et Legrand partagent et qui va marquer l'œuvre de l'un et de l'autre. Demy est un cinéaste total, c'est-à-dire que je pense qu'avec Godard, c'est vraiment le cinéaste le plus plasticien de la nouvelle vague et qui pense au cinéma comme un tout. Et justement, cette espèce de synergie qu'il crée en réunissant toutes les disciplines, avec cette phrase toujours qui est une évidence, c'est-à-dire que le cinéma est un art où il faut avoir du talent à plusieurs, avec un maître d'œuvre qui est le cinéaste. Till you're back, back beside me, till I'm holding you, that forever love, honey, I'll wait for you. Grâce au véhicule mélodique de Michel Legrand et à la dramaturgie chromatique de Jacques Demy, Les parapluies de Cherbourg passent du statut d'ovni à celui d'œuvre universelle. C'est un des rares films français avec L'homme de Rio, La cage aux folles et Préparez vos mouchoirs qui a eu cette destinée-là aux États-Unis, ce qui paraissait absolument impensable. Parce que on dit souvent que pour toucher le public américain, il ne faut pas chercher à faire ce qu'eux savent faire. Et c'est précisément en étant le plus local et en parlant de soi, de sa propre culture, de ses propres racines, qu'on arrive à toucher, à être universel. Et ça restera toujours une sorte de mystère. Et Michel Legrand a répété toujours cette phrase, il disait « Les grands succès se font contre et ne se font pas avec ». C'est-à-dire qu'il faut toujours lutter contre le poids du conservatisme, de l'establishment, de la frilosité, pour arriver à aboutir à un projet qui, après, devient curieusement une forme de norme. Mais la magie des parapluies n'est pas une franchise. Legrand et Demy l'ont compris, les Demoiselles de Rochefort se construisent déjà sur un autre schéma. Le cinéma et la musique ne sont pas affaires de boutique. La musique d'un film, c'est un peu un pouvoir magique.